السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، نواصل اليوم في قراءتنا في هذا الكتاب المبارك بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، كتاب الشيخ السعدي. Aujourd'hui, on prend le hadith, le hadith achar, le hadith ou le 41e et 43e. Le 42e, on va le passer parce que c'est une masala que je n'ai jamais vraiment étudiée ou quoi, donc je n'ai pas envie de rentrer dans ce que je ne connais pas, donc je n'en parlerai pas. Même le fait de traduire simplement, ça ne suffira pas. Ça a besoin d'éclaircissement, et voilà. La dernière fois, on a pris deux hadiths également. Un qui était sur le sulh, la conciliation entre les musulmans, qui était permise tant qu'elle n'amenait pas à enfreindre des règles, rendre halal le haram ou haram le halal. Et l'autre qui était le hadith de faire tarder à rembourser celui qui a une dette qui tarde à la rembourser alors qu'il a moyen de le faire. C'est du vol. طيب الآن نأخذ في الحديث الحادي والأربعين 40 حديث عن سمرة وعسمرة رضي الله عنه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه أهل السنن إلى النسائي. Donc il a dit النبي صلى الله عليه وسلم que la main qui a pris une chose étant doit le rendre. D'accord ? Celui qui a pris une chose, il doit la rendre. C'est-à-dire, on a surtout le droit de la récupération de ce que tu as pris. قال هذا شامل لما أخذته اليد من أموال الناس بغير حق كالغصب ونحوه وما أخذته بحق كرهن وإيجار. Donc ce hadith concerne ce qui a été pris injustement, comme les gens qui s'accaparent les droits des gens, même le vol, hein, ça rentre dedans, et ce qui a été pris de façon légitime, comme par exemple un rohn. Un rohn, c'est un gage, une chose qu'on pose en gage, d'accord, ou une location, une chose qu'on a pris en contrepartie d'un paiement et qu'on doit rendre. Ce que tu as pris, tu dois le rendre. D'accord, ce que tu as pris qui ne t'appartient pas, tu dois le rendre. Amal qism al-awwal fa huwa al-ghasb wa huwa akhdh al-mal al-ghayr bighayri haqq wa bighayri ridah wa huwa min a'zam al-dhulm wal-muharramat fa inna man 'asaba qayd shibrin min al-ard tawqahu yawm al-qiyamah min sab'i aradin. Donc le premier, qui est de fait de prendre les biens des gens sans droit, ça c'est une chose qui est interdite et qui est parmi les pires formes d'injustice et parmi les pires péchés. D'accord, quand tu le prennes, tu te l'accapares comme ça, tu l'es volé ou autre, voire même ce que tu aurais pris à quelqu'un sans sa permission. D'accord ? Ce que tu as pris même sans sa permission. Donc là, celui-ci, il doit rendre ce qu'il a pris comme il l'a pris. Et si jamais entre-temps, cette chose qu'il a prise a réduit de valeur, ou qu'elle est abîmée ou quoi, il doit la rendre à la valeur dans laquelle il l'a prise. Il doit combler. S'il est abîmé, soit il la rend neuve, enfin comme il l'a dans l'état où il l'a prise, ou il compense le manque, le dommage subi. Car à la base, ce n'est pas à lui. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Inna amwalakum wa dima'akum wa aradakum wa alaykum haramun » que vos biens, vos honneurs et... vos sangs, vos vies sont interdites, sont haram. Donc on ne peut prendre le bien des gens, d'accord, sans leur accord. Taïb. Donc ça, c'est la première catégorie. Et également, celui qui a volé quelque chose, hein, celui qui a volé quelque chose, il doit faire en sorte de rendre le bien qu'il a volé. D'accord ? Il doit rendre le bien qu'il a volé. Et des ulama, ils disent, si jamais tu as volé des choses et que si tu la rends, par exemple, cela pourrait te causer des préjudices. Alors rends-la même, s'il le faut, tu envoies quelqu'un qui le donne à ta place, ou alors tu le poses de façon anonyme. Tu rends la personne de façon anonyme et tu mets une lettre dans laquelle tu dis « Ouais, je demande que tu me pardonnes pour ce que j'ai fait » et ainsi de suite. Parce que le fait que tu rendes, c'est une chose, mais il faut que la personne te pardonne. Quand tu as pu prendre le bien de quelqu'un, à un moment, elle avait besoin, donc tu l'as mis en galère. C'est pas seulement que tu lui as volé son affaire, c'est que tu l'as mis dans une situation de gêne, de difficulté, qui peut-être t'a engendré d'autres préjudices. Quelqu'un qui a volé la voiture à quelqu'un, le jour doit partir travailler pour un rendez-vous super important. Et bien ce jour-là, tu l'as mis dans une situation qui lui a peut-être coûté, je sais pas moi, la perte d'un bien sur une durée à long terme, à cause de ce vol, par exemple. C'est-à-dire tu as le péché du vol et en plus tu as mis la personne dans une situation difficile. Donc le simple fait de rendre seulement ne suffit pas. Il faut également qu'on te pardonne. Et des fois, rendre, tu dois rendre et en plus même, comment dirais-je, dédommager les préjudices causés à cause de ce vol ou de cette chose que dont tu t'es accaparé sans permission, même si tu avais l'intention de la rendre. Les gens, tu les as mis dans la gêne en faisant cela. يقول أما إذا كانت اليد أخذت مال الغير برضا صاحبي بإجارة أو رهن أو مضاربة أو مساقة أو مزالعة وغيرها فصاحب اليد أمين لأن صاحب العين قد اتمنه فإن تلف طيب ما زعت لا. Donc il dit maintenant celui qui a pris une chose, qui a pris le bien d'une personne avec sa permission, c'est-à-dire de façon légitime, d'accord? Il a dit que par exemple par une location, par un emprunt ou je ne sais quoi, alors tu dois faire attention, car celui qui t'a passé de ses biens, il te fait confiance. Il ne t'a passé ce bien car du fait qu'il sait que tu allais lui rendre, d'accord, tu allais lui rendre. Donc à ce moment-là, tu dois être une personne honnête et de confiance. Donc maintenant, si la chose qu'il a prise, il l'abîme, mais cela sans avoir été négligent, d'avoir fait preuve de malveillance, d'accord, il l'a abîmé sans faire exprès ou quoi, alors il n'a pas à dédommager. D'accord, il n'a pas à dédommager. Ou intalifa bitafrit fi haqqiha ou ta'adi alayha, dhaminaha. Par contre, si jamais il l'a abîmé pour avoir mal agi, avoir été insouciant, ou avoir fait preuve de malveillance ou autre, de négligence, alors là, il doit dédommager. Naam. Wa mata infadha al-arad minha raddaha li sahibiha wa dakhala fi hadha al-hadith. Et une fois qu'il a emprunté cette chose et qu'il a fini de s'en servir, il doit la rendre, comme il l'a prise. Comme le dit le hadith, que celui qui a pris une chose qui ne lui appartient pas, dans le sens qu'il doit la rendre. D'accord ? S'il a pris injustement, qu'on a expliqué, il doit la rendre au plus vite. Et si jamais il a pris la chose avec la permission, il doit la rendre selon les conditions émises au début, avant de l'avoir, de se l'être procuré. يقول وكذلك العالية على المستعير أن يردها إلى صاحبها باقتضاء العرض منها أو طلب ربها لأن العالية عقد جائز لا لازم. Pareil, celui qui a emprunté un objet, par exemple, tu as emprunté un objet à quelqu'un, un stylo, un ordinateur ou je ne sais quoi, quel que soit l'objet, tu l'as emprunté à quelqu'un, et bien pareil, cet objet-là, tu dois les rendre. D'accord ? Tu dois les rendre. Ça rentre dans ce hadith-là. Et il dit, dans les conditions de la chose que tu auras empruntée, si jamais tu l'abîmes, d'accord ? Alors, il y a un khilaf entre les ulama. Il dit que, par exemple, dans le mazhab de l'imam Ahmed, si jamais tu as emprunté quelque chose à quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, tu as emprunté un mixeur à ton voisin. Tu n'avais pas de mixeur, tu voulais faire à manger, tu empruntes le mixeur à ton voisin. Et tu l'as cassé ou tu l'as abîmé. Et bien, selon le mazhab de l'imam Ahmed, dans un col qui est connu de lui, tu dois rembourser. D'accord ? Tu dois rembourser. Non. Bien sûr, sauf si la personne te pardonne, dit non, c'est bon, tu ne me rembourses pas, Harry. Là, c'est autre chose. Là, on reste sur la base. Et par contre, il y en a, ils disent, فَإِنْ شُرِطَ ذَمَانُهَا ذَمِنَهَا وَإِلَّفَلَا وَوَا أَحْسَنَ la colle salasa. Donc en fait, on répète. Si jamais tu as emprunté une chose à quelqu'un, d'accord, et que tu l'as abîmé, tu l'as cassé. Premier avis, c'est celui que le shir il a dit au début, par rapport aux objets que l'on prend même en contrepartie d'une paye ou quoi, comme location ou quoi, c'est que si jamais tu l'as abîmé sans faire exprès, sans négligence, sans insouciance et sans autre, tu n'as pas remboursé, car tu l'as utilisé avec la permission de son propriétaire. D'accord ? Deuxième avis, celui de l'imam Ahmed, qui dit que tu dois rembourser dans tous les cas. Et troisième avis, le chiridique, c'est l'avis qui est prépondérant pour lui, c'est que ça dépend de la condition émise par le propriétaire à l'avance. Si tu as mis comme condition que si jamais tu abîmes, tu rembourses et tu as accepté, tu dois rembourser. Et cela revient au hadith qu'on avait dit la dernière fois, que les croyants doivent respecter les conditions sur lesquelles ils sont mis d'accord, tant que cela n'amène pas à rendre halal à haram ou haram à halal. Donc le frère, par exemple, il te prête son mixeur. Il te dit, Harry, je te prête mon mixeur, mais par contre, si tu l'abîmes, tu me le rembourses. Toi, tu dis, d'accord, pas de problème. À ce moment-là, quelle que soit la façon dont tu l'as abîmé, tu rembourses. D'accord ? Tu rembourses. Maintenant, si tu l'as abîmé avec une erreur de ta part, tu étais négligent, insouciant ou quoi, tu rembourses. Par contre, si jamais tu l'as abîmé sans en faire exprès, ce n'est pas de ta faute, d'accord ? Tu as fait attention, mais il s'est passé un accident, malgré toi. Alors, à ce moment-là, tu n'as pas remboursé et l'autre n'a pas te demander quoi que ce soit. Ah, fou, mais il croit ? Ça y est. Non. Il dit « Walakin law wajada al-mal biyad majnoun aw safih aw saghir fa'akhadhahu li yahfazahu fatalifa biyadihi bighayri ta'addin wala tafrit fa'innahu muhsinun wa ma'al muhsinin min sabil. » Maintenant, si quelqu'un, par exemple, voit un enfant ou une personne qui est démunie de raison, un handicapé mental, vous savez, comme les trisomiques ou des gens comme ça qui n'ont pas leur raison, ils leur prennent leur bien pour le protéger, pour pas qu'il fasse du mal avec ou pas qu'il l'abîme ou quoi, et que lui-même, sans faire exprès, il l'abîme, il n'a pas remboursé. Car à la base, il était bienfaisant. D'accord ? Il était bienfaisant. Et quand on est à Allah, ou à ma al mursilin sabil, que les bienfaisants n'ont pas de compte à rendre pour leur bienfaisance. Tu as vu un enfant qui, mathalain, avait un objet de valeur dans la main. Et tu voyais que l'enfant pouvait le faire tomber. Par exemple. Donc tu prends l'objet de la main de l'enfant, tu dis, laisse-moi cet objet-là, je vais le transporter moi pour toi, je vais l'emmener à ton père, parce que toi, tu vas faire tomber, tu vas le casser. Et par exemple, en route, il t'arrive un imprévu, malgré toi, et l'objet te fait tomber, tu le casses. Par exemple, je sais pas, moi, une voiture a failli te renverser, et dans la peur, t'as lâché l'objet. D'accord ? Mais ça l'aide. À la base, c'est pas fautif, c'est pas de ta faute, c'est l'autre avec sa voiture qui a pas fait attention, ou voilà. Malgré tout, t'as pas été négligent. C'est un réflexe, et t'as voulu te protéger, et t'as lâché l'objet, tu l'as cassé. Et ben, toi, à ce moment-là, tu n'as pas remboursé. Car toi, à la base, l'objet, tu l'as pris pour le protéger. D'une main qui était, elle, fragile, qui était celle de l'enfant, qui, lui, avait plus de probabilité de le casser que toi. Donc à ce moment-là, si jamais tu as abîmé l'objet ou tu l'as cassé sans faire exprès, alors tu n'as pas à rembourser. D'accord ? Maintenant, si jamais tu l'as fait tomber, par exemple, je ne sais pas, moi, tu courais sur un lieu qui était où ça glisse, tu as voulu courir quand même, tu as glissé, tu l'as cassé, on va dire, après, pourquoi tu as couru à cet endroit-là ? Tu vois que ça glisse. Tu vois ? Là, tu as été négligent à ce moment-là, on dit tu rembourses, par exemple. C'est un exemple. Hein ? Après, il faut voir la situation de la personne pour qu'on dise est-ce qu'elle a été négligente ou pas. Ça, des fois, c'est une situation à exposer aux gens de science pour qu'ils puissent tranché. Nam. Thumma qala fil laqata. L'objet qu'on trouve par terre. Un objet qu'on trouve par terre, par exemple, qui est un objet qui est d'une certaine valeur. La base, c'est que tu fais un tarif muddat am. Tu as trouvé, par exemple, un téléphone portable dans la rue, dans un lieu particulier. Ce téléphone portable, tu dois faire une annonce publique pour que son propriétaire puisse le retrouver. D'accord ? Par exemple, tu dis aux gens dans un centre commercial, tu vas voir les commerçants du magasin à côté de là où tu as trouvé le téléphone et tu leur dis j'ai trouvé un téléphone dans le secteur là, voici mon numéro de téléphone, si quelqu'un vient vous dire qu'il a perdu un numéro de téléphone, qui m'appelle. D'accord ? Dis pas directement tu as trouvé le téléphone comment il est, j'ai trouvé un iPhone 14 Pro de couleur verte avec l'écran fêlé en haut à gauche, non tu dis rien, tu dis juste trouver un téléphone. Comme ça, si la personne a perdu le téléphone, elle t'appelle, elle dit « Oui, j'ai perdu un téléphone à tel jour, à tel endroit. » À ce qui paraît, vous avez trouvé un téléphone. Tu dis « Oui, comment est le téléphone ?» Tu lui demandes la description. Et si tu te décris fidèlement, tu lui rends. Mais si jamais toi, tu fais la personne inattentive et tu dis le téléphone, comment il est, tout le monde va t'appeler pour dire « Oui, le téléphone, il est à moi. » C'est certain, ça. Les gens, ils vont profiter de la situation. Ou par exemple, tu as trouvé une somme d'argent. Tu as trouvé, je ne sais pas, un billet de 100 euros à un endroit. Ben, cet argent-là, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Tu dois d'abord le faire connaître pendant un an, tu le gardes avec toi pendant un an, tu fais une annonce, pareil, tu trouves une somme d'argent à tel endroit, donc celui qui a perdu de l'argent à tel endroit qui t'appelle. Dis pas j'ai trouvé 100 euros par terre à tel endroit, tout le monde va t'appeler pour dire ouais, c'est à moi. Dis une somme d'argent était perdue à tel endroit, celui qui l'a perdu qui m'appelle à tel numéro. Les gens t'appellent. Ils disent, ouais, l'argent, j'ai perdu de l'argent, t'as le droit. Tu dis, combien t'as perdu exactement? S'ils donnent la bonne somme, tu lui rends. Et s'ils donnent la mauvaise somme, tu dis, désolé, la somme que j'ai trouvée, c'est pas celle-ci. Tu vois. Donc, voilà. Et cet argent-là, cette chose que tu as trouvée, tu la gardes pendant un an. Pendant un an, tu la gardes auprès de toi. Si au bout d'un an, personne n'a fait signe de vie, alors tu peux l'utiliser pour toi, la garder pour toi. D'accord? Par contre, si après cela, la personne apparaît, même après les un an, et qu'elle te prouve que l'objet était à elle ou l'argent était à elle, tu dois lui rendre à ce moment-là. Toi, tu n'as pas de péché, mais tu dois lui rendre. Parce que ça, c'est à la base, c'est à lui, ça lui appartient. Tout à l'heure, on a dit le hadith, Inna amwalakum wa'arladakum wa'dima'akum alaykum haram. Que vos biens, vos vies et vos honneurs, votre honneur, à la fois votre honneur, sont pour vous interdits. Donc même s'il vient 5 ans après, 10 ans après, et qu'il te prouve que la chose que tu avais trouvée à tel moment, elle était à lui, tu dois lui rendre. Même si tu l'as déjà utilisé, tu lui rends. Mais avant les 1 an, tu ne peux pas l'utiliser. Avant les 1 an, tu gardes chez toi dans un endroit bien protégé, et tu ne peux pas l'utiliser. Maintenant, si pendant, c'est ça le shahid de la partie du hadith, si pendant les 1 an, par exemple, l'objet, tu l'as gardé chez toi, et il y a eu, par exemple, je sais pas moi, une inondation, il y a eu un problème, et l'objet, tu l'as abîmé ou il était perdu, tu n'as pas à dédommager. C'est là qu'on voulait en venir. Il y a eu un accident chez toi, par exemple, d'accord? Que l'objet, il était abîmé, le téléphone était abîmé ou quoi, et que la personne vient, elle finit par t'appeler, et tu dis, ouais, j'ai eu une annonce sur un téléphone perdu, c'est moi, ainsi de suite. Un peu désolé, Achille, ou la personne, tu dis désolé, le téléphone, ben, il était cassé, il s'est passé telle chose, d'accord? Et ben, tu n'as pas dédommagé. Car à la base, tu l'as gardé pour le préserver pour lui, pour lui rendre. Après, il y a eu un accident, un imprévu, malgré toi, et à ce moment-là, tu n'as pas à rendre quoi que ce soit comme compte. D'accord? Maintenant, si de toi-même tu veux rendre à la personne, ou ainsi de suite, tu as le droit. Mais Shar'an, ce n'est pas obligatoire. Et l'autre n'a pas à te l'imposer. Donc voilà ce qu'il y a à comprendre de ce hadith. Taïeb. Soumanakhouz al-hadith, Essani wa Arba'in. Non, Afouane. Salis ou Arba'in. Je vous dis que le 42e, on le sautait, donc on va prendre le 43e. Yaqul an Abi Hurayra, radiallahu anhu. Qal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Yaqul Allah ta'ala, Ana salis al-sharikain. Ma lam yakhun ahaduhuma sahibah, fin khanahu kharajtu min baynihima. Rawadu Abu Daoud. Taïeb, donc le hadith. Il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que Allah azawajal, donc c'est un hadith Qudsi, il dit, je suis le troisième des deux associés. Tant que l'un ne trompe pas l'autre. Si jamais il le trompe, alors je sors d'entre les deux. Je sors de l'accord et mis entre les deux. Donc le hadith déjà, le muhakkak a dit qu'il y a une divergence par rapport à son degré d'authenticité. Mais se basons sur le fait que le hadith soit authentique. Il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, يدور هذا الحديث بعمومه على جواز أنواع الشركات كلها. Donc déjà ce hadith montre qu'il est permis de s'associer sous toute forme d'association par rapport aux choses dans la dunya. Et non pas d'association dans le commerce, ce genre de choses. Que les gens s'associent entre eux pour pouvoir faire une chose, un acte en commun, quand l'un, une personne seule, ne pourrait pas y arriver. D'accord? Naam. Et ce hadith, en fait, ce hadith vient dans le même sens que le hadith qu'on a pris de Al-Hakim ibn Hizam, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Al-Bay'an ala al-khiyar ma lam tafarraqa. Fa'in sadaqa wa bayyina burikat bay'uhuma. Wa'in katama wa kathaba muzikat barakat bay'ihima. Vous vous rappelez le hadith qu'on a pris il y a 2 semaines à peu près, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait que les deux, le vendeur et le client, ont encore le choix de revenir sur leur décision tant qu'ils ne sont pas séparés. Mais que si jamais ils sont véridiques et qu'ils clarifient dans leur vente, dans leur négoce, alors qu'il y aura une baraka dans leur vente. Mais si jamais qu'ils mentent ou qu'ils dissimulent ou qu'ils arnaquent ou quoi, qu'il n'y aura pas de baraka dans leur vente. Vous vous rappelez de ce hadith-là? Ben, ce hadith-là, il va dans le même sens. Que, en fait, que deux personnes s'associent pour un acte quelconque qui est permis, d'accord, que Allah Azawajal mettra la baraka dans leur association tant que l'un d'entre eux ne vient pas pour tromper l'autre, ne vient pas pour arnaquer l'autre ou escroquer l'autre. Si jamais ça se passe, alors Allah sortira dans le sens où il n'y aura plus de baraka dans leur association. Vous voyez, c'est, à ça qu'il faut, c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Des frères sont mis ensemble, par exemple, pour un commerce, pour ouvrir une sandwicherie. Ils sont associés. Pour, avec des conditions, tous les deux. Et t'en as un, il avait déjà l'intention de profiter de l'autre frère pour pouvoir en tirer profit. Que ce soit dès le début ou même après. Ça arrive souvent, malheureusement, entre des frères, qu'il y en a un qui essaie de profiter de l'autre et de profiter plus que l'autre, d'avoir plus d'argent que l'autre. Ou il tombe dans les conditions. T'en as dit, moi je travaille tel jour, toi tel jour, et finalement l'autre, au final, finit par tromper, trahir l'accord, il ne vient pas au jour convenu, il ne met pas la somme convenue, ou il commence à faire des choses bizarres. Donc à ce moment-là, quand on a un qui commence à trahir le pacte qui a été conclu, alors il n'y a plus de baraka dans leur association. Dans l'association, il n'y a plus de baraka. Et à ce moment-là, il est permis de la rompre. Qu'il y en a, il dit ça, c'est bon, il y a un à ce moment-là, tu n'as pas été correct avec moi, tu n'as pas été loyal, donc on arrête là, par exemple. Donc le hadith, il revient à dire cela, dans le sens où le hadith serait authentique. Donc tout revient, également l'auteur d'une parole importante qui revient à ce qu'on avait dit dans la muhadara de dimanche par rapport à la véracité. Wainal faqra. طيب يقول ويدل الحديث على فضل الشركات وبركتها إذا بنيت على الصدق والأمانة فإن من كان الله معه بارك الله في رزقه ويسر الله الأسباب التي ينال بها الرزق ورزقه من حيث لا يحتسب وعانه وصدده. Donc ce hadith également il montre justement le mérite que les gens s'associent entre eux dans les travaux communs et que lorsque les gens mettent l'intention d'être véridiques et d'être honnêtes et loyaux, alors que Allah Azawajal sera avec eux et les assistera dans leur projet. Et qui mettra de la baraka dans leur risque. Donc il dit, cette véracité et cette loyauté sont parmi les causes qui permettent d'obtenir du risque et de la baraka dedans. Et dans la muhadara dimanche, on avait dit par rapport à, justement avec le hadith qu'on vient de citer tout à l'heure, ça rentre dedans. Être véridique et être honnête, c'est des causes pour avoir la baraka et que Allah Azawajal multiplie les risques ou les projets soient fructueux. Donc voilà ce qu'on a pris comme hadith aujourd'hui. Et naktafi bi al-qadr bi-idhnillah ta'ala. Et on rappelle qu'il y aura la suite de la muhadara ce dimanche, inshallah, de la muhadara de dimanche dernier. Naam. Naktafi bi hadha al-qadr wa subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.